Bonjour et bienvenue. Et voici la nouvelle du siècle. Vigilia se trouve à être sur les podcasts, dans vos oreilles, en tout temps, selon votre choix. Alors, on vous invite à revenir souvent. Il y aura toutes sortes de choses au menu, que ce soit des moments de prière, des moments de réflexion, des témoignages. Pour ceux qui se posent la question, qui êtes-vous, d'où vous venez, comment tout ça a commencé, vous aurez les réponses d'ici plusieurs années en écoutant à ce qu'on va vous livrer comme contenu. Donc, de retour bientôt, on vous attend en grand nombre ou individuellement. Et pour ceux qui prient seuls chez eux, on pense à vous. Au revoir!